attend la vie, petit sourire qu'a fait plaisir. Elle est moins vine, c'est ainsi qu'elle moi, la fin de l'âme remplie, c'est moi. Si tu es ça, ça vous porte et bon moi. Tout en baisse, longtemps moins. Senti-moi.